c'est parti. Journée de biatch et tout le monde jump. On est samedi matin, je maquille un niveau fontain, j'ai mis le paquet. 9h15 devant le miroir, 10h30 sur la penderie. Je vais des comics faire la belle en ville. Mélissa me montre son nouveau piercing, où elle se croit plus belle que moi. Mais les beaux mecs la regardent même pas. Pour aller au supermarché, mais comment vais-je m'habiller? Trop regarde la tenue de ce matin, il faut qu'on voit beaucoup plus. Mais ça, 2000€ le sac Gucci, mais je me demande pourquoi il a pris pas si cher, trop la galère, il a vraiment craqué mon père. Elle est noisette qui avec noisette à la guitare. Journée de biatch. C'est bon, je me souviens. Ouais, ce soir on va en boîte, ça va être trop l'éclat. J'ai bu trois panaches, je suis complètement arraché. Je vais me demander mec en trompe. Ouais, je frotte dans tous les sens. Je balle le sixième de la soirée qui m'emmène dans CBM. Trop cool, il aime bien manger les pommes.